ressemble de la plume descend. Là pour rien, rien, non, rien de rien. C'est déjà beaucoup. Car il y a moins que rien. Là c'est pire. Descends là, c'est tout. Ouh, ouh, ouh. Et quelquefois, quand les sens se nouent, que c'est-il parfois que le reste à genoux. Quand on descend là pour rien, rien de rien, c'est déjà beaucoup. Car il y a ceux qui ont moins que rien. On descend là, c'est tout. On semble de la plume descend là pour rien. Quel engouement. C'est tout. On fond des histoires pour si peu. Les nuits passent et les rêves d'eux. On était six personnes et au final, que reste-t-il de nous. En moins que rien, rien, rien de rien, c'est déjà beaucoup, car il y a ceux qui n'ont moins que rien. Que rien, c'est déjà beaucoup. Et on descend là, c'est tout. Quand le sang bleu de la plume descend là. Les ordures au temps normal, on veut qu'ils s'ignorent. Les plumes s'égarent, les cartes au trésor, qui se veut généreux. Que l'on ampute afin de succomber à ses charmes doux, y croire plus. Si belle dans son décor, stable d'un rien, rien, non, rien de rien, rien, moins que rien. Là, c'est pire que tout. Et l'on descend, là, c'est tout. Quand le semble de la plume descend là pour rien. C'est tout. Ooh.